Iman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a validé ce mardi le plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois. Coût total du plan, environ 42 milliards de francs burundais. Vous aurez les précisions de la ministre de tutelle. Passation ce mercredi dans tout le pays du concours donnant accès à l'école d'excellence pour les élèves de la 6e année fondamentale. Notre rédaction est passée sur 203 mairies de Bujumbura. Reportage à suivre. Un autre reportage à suivre, c'est sur les billets de banque de 100 francs qui manquent sur le marché. De quoi entraver les échanges. Et dans la chronique sur les messages de haine, nous parlerons des conséquences des discours contradictoires, surtout quand ils proviennent des autorités. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministère de la Santé a validé ce mardi le plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois. Annonce faite par la ministre de la Santé après une réunion des intervenants dans ce secteur. Lidwine Baradahana a indiqué que ce plan nécessite une somme d'environ 42 milliards de francs burundais. Elle a en outre précisé que sur les 49 districts sanitaires que compte le pays, 22 districts enregistrent des cas positifs à cette maladie. Et c'est au moment où 3 districts sanitaires présentent des cas suspects. Suivez ces précisions. Nous venons de valider le plan national de riposte contre le Mpox, qui est communément appelé la variole du singe. Nous allons nous référer sur ce plan pendant 6 mois. Et évidemment qu'il y aura des mises à jour si nécessaire. Un plan que nous allons utiliser est bâti sur 7 piliers qui sont nécessaires pour la lutte contre le Mpox. C'est notamment la surveillance de la maladie, la prise en charge, la communication, l'éducation envers la population. C'est notamment le suivi des malades, le diagnostic au laboratoire, principalement, et la coordination pour la riposte. Donc, c'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bout, à peu près 14 millions de dollars. Et c'est un plan qui est très coûteux. Et depuis que nous avons déclaré la maladie, depuis le 25 juillet, nous avons déjà bénéficié beaucoup de soutien de la part de nos partenaires au développement. Et le gouvernement du Burundi a aussi utilisé le budget qui était prévu pour les urgences au niveau de l'INSP dans la direction du CUSP, donc du Centre des opérations des urgences au niveau du Burundi. Et maintenant aussi, le gouvernement vient de prendre disponible un budget conséquent, autour de 2 milliards pour nous aider à combattre cette maladie. Jusqu'à présent, ça fait seulement 12 jours et nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Nous interpellons la population à observer les mesures de prévention. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse. Ça demande beaucoup de fonds, surtout quand le malade est déjà dans le stade sévère où il présente beaucoup de plaies, des complications au niveau de la bouche, au niveau des autres organes internes, au niveau des yeux, au niveau du pulmonaire. Mais cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les malades et à tous les cas suspects au niveau de la communauté de se rendre rapidement au niveau de structures de soins les plus proches sans attendre que la maladie s'aggrave. Lidwine Baradahana, c'est la ministre en charge de la santé. La carence des billets de 100 francs et des pièces de 50 francs burundais qui s'observe dans Bujumbura, la capitale économique. Cette carence est confirmée par les acheteurs, les passagers, les commerçants et les transporteurs. Les acheteurs disent que lors des transactions, les commerçants ne leur remettent pas la différence de 100 francs. C'est le même cas avec les passagers qui prennent des bus de transport en commun. Tous demandent à la Banque centrale de rendre disponibles ces billets pour faciliter les échanges commerciaux dans le pays. On fait le point avec Evariste Nzikobanyana. Cette carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs cause des pertes énormes chez les acheteurs et les passagers des différents quartiers de la capitale économique Bujumbura. Les acheteurs disent qu'on ne leur remet pas 100 francs ou 50 francs après les achats. Quand on se rend à la boutique pour faire des achats, il arrive que l'on ne te remette pas la somme d'argent qui reste faute de 100 francs. Même les pièces de 50 francs manquent cruellement. Si le boutiquier n'a pas ce billet de 100 francs, l'on est obligé de l'abandonner et c'est une perte. qu'ils entrent souvent en conflit avec les convoyeurs. Les frais de transport pour le bus est fixé à 600 francs bondés, mais suite au manque criant de billets de 100 francs bondés et que tu donnes 1000 francs au convoyeur en ce moment, il manque quoi te remettre et lui aussi travaille à perte car il est obligé de te remettre 500 francs au lieu de 400 francs. Les commerçants détaillants au centre-ville de Bujumbura disent que le commerce aujourd'hui est casse-tête faute de ces billets de 100 francs, d'où les clients ne viennent pas en abondance, de même que les convoyeurs des bus qui manquent de l'argent à remettre aux passagers qui paient plus de frais de transport exigés. Je viens de Kamenge et j'ai fait payer 500 francs faute de billets de 100 francs, juste pour éviter que l'on se chamaille avec les passagers. Je décide de perdre 100 francs et faire payer 500 francs suite à ce problème de change. Il n'y a pas d'autre manœuvre à faire. Les pertes sont énormes. Les personnes touchées par la carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs, toutes demandent à la Banque centrale de disponibiliser ces coupures de 100 francs pour faciliter les activités commerciales dans le pays. Évariste Nzikobanya. De l'économie, on passe au tourisme pour vous dire que certaines organisations du tourisme au Burundi sont négativement affectées par la persistance du manque de carburant. Kamenzi Burundi est l'une d'entre elles et affirme qu'elle enregistre une perte de clientèle de plus de 30% par rapport à l'été précédent à cause des difficultés à pouvoir déplacer ceux qui sollicitent leurs services. Fabrice Manirakiza, fondateur de cette organisation, appelle les hautes autorités du pays à trouver une solution à cette pénurie du carburant. On l'écoute, il est traduit par Jean-Marie Mayonga. Kamenzi Burundi n'est pas seulement une organisation, c'est également une devise qui dit « Viens et regarde toi-même le Burundi ». Dans nos activités, nous accueillons différentes personnes, notamment la diaspora. Avec ce manque de carburant, c'est un problème qui touche la plupart des gens. Mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui ont une vision dans la communauté. Il faut savoir trouver une solution. C'est une opportunité pour les entrepreneurs de faire des propositions de solutions. En matière de tourisme, nous éprouvons vraiment des difficultés, mais cela va passer. Comparativement à la même période, quel serait l'impact sur vos activités? Selon mes estimations, partant de ce que nous faisons, je peux affirmer que ceux qui sollicitent nos services ont diminué de plus de 30%. Et pour cause, le carburant. Ce n'est pas seulement cela. On ajouterait aussi la hausse des prix des produits, car ça touche tous les produits. Pour nous, je parlerai de hausse de plus de 28% de nos statistiques. La hausse continue, que les autorités concernées se penchent beaucoup plus sur cette problématique. Il y en a qui sont très touchés, plus que moi, et jusqu'à 50%. Passation du concours donnant accès à l'école d'excellence pour les élèves de la 6e année dans tout le pays. C'était ce mercredi à Bujumbura, les deux centres de l'éco-poste La Matutina et au lycée SOS, visités par notre rédaction. Les élèves faisaient leurs épreuves en toute quiétude. Un seul bémol, des absences remarquées par les directeurs des centres, comme celui du lycée SOS qui demande aux parents de ne plus laisser leurs enfants s'absenter à de pareilles épreuves qui pourtant leur offrent une autre occasion de mesurer le niveau de leur absence. Sheila Irambona. Que ce soit à l'école fondamentale Stella Matutina ou au lycée SOS, des élèves étaient en train de faire le concours en toute quiétude. À l'école fondamentale Stella Matutina, ils ont débuté le concours à temps et ce qui s'est remarqué, c'est que même un retardataire n'a pas été autorisé à faire ses épreuves hors micro. La directrice de ce centre a indiqué qu'il n'y a pas eu de problème, sauf les absences qui ont été relevées sur 185 élèves attendus, 38 se sont absentés. Ce problème de retard a également été soulevé sur le centre se trouvant au lycée SES. Sur 540 élèves provenant des écoles de la commune Nahangwa, 81 se sont absentés. Le directeur de ce centre estime que ces absences sont dues au fait que certains parents de Bujumbura n'ont pas encore compris l'importance de l'école d'excellence. Et il y a des parents qui disent non, s'il trouve, il va entrer dans l'internat. Je préfère qu'il reste à côté des parents. C'est sur des tels cas qu'on rencontre souvent. Selon lui, les parents devraient donner l'occasion à leurs enfants de se comparer aux autres. Même si un parent ne veut pas que son enfant aille dans l'internat, ça serait mieux de venir réellement pour voir au niveau de son enfant. Ce n'est pas une obligation que si tu trouves le concours, tu ailles directement dans l'école d'excellence. Alors, il aurait fallu qu'il laisse les enfants pour venir se mesurer avec les autres. L'autre fait qui s'est remarqué sur ces deux centres de passation, c'est que certains parents avaient accompagné leurs enfants. Un parmi eux demande à ce que ces écoles d'excellence soient augmentées. Sur ce centre, nous avons entendu que 504 élèves vont passer le concours ici, ce qui est un grand nombre dans le DCE Nahangwa. Parmi ces élèves, 5 seulement vont être sélectionnés. Nous demandons à ce que ces écoles d'excellence soient augmentées pour qu'on donne la chance à un nombre maximum possible d'élèves. Signalant que cet examen d'État a été effectué dans tout le pays et qu'au niveau national, le ministre de l'Éducation a lancé officiellement ce concours Angosi. Justice, une peine de servitude pénale principale de 7 ans et une amende de 100 000 francs burundais. Tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mwaro lors d'un procès de flagrance de ce mercredi contre un infirmier du centre de santé Yanza en commune Rusaka, c'est dans la province de Mwaro. Il a été accusé d'avoir volé du matériel médical à cette formation sanitaire pour administrer clandestinement certains services chez lui. Le prévenu a plaidé non coupable lors de ce procès. Laurent Dicourillo. Au cours de ce procès de flagrance de ce mercredi au tribunal de grande instance de Mwaro, l'officier du ministère public au parquet de la République de cette province a souligné qu'en date du 30 juillet 2024, la police a saisi au domicile de cet infirmier du centre de santé Yanza en commune Rusaka du matériel médical de différentes sortes. Certains de ces matériels étaient couverts de traces de sang encore frais pour le jour de cette saisie, prouvant qu'il venait d'être récemment utilisé. Selon toujours l'officier du ministère public au parquet de la République de Mwaro, cet infirmier a volé son matériel médical et quelques médicaments au centre de santé Yanza où il prestait afin d'administrer clandestinement à son domicile certains services comme la circoncision et l'avortement clandestin. Dimukundo Samson, titulaire du centre de santé de Yanza et qui avait représenté ce centre de santé dans ce procès, a souligné que depuis un certain temps, du matériel médical disparaissait du jour au lendemain, même s'il n'y avait pas de preuve que c'était cet infirmier qui en était l'auteur. Mekio Nimubona, l'infirmier accusé par le parquet de la République de Mwaro, ainsi que son avocat ont nié les faits. Selon cet infirmier, il a acheté depuis 4 ans à Bujumbura son matériel médical pour préparer sa retraite. Le tribunal lui a demandé comment il pouvait acheter son matériel médical alors qu'il n'en avait pas la permission, comme la possession du numéro d'identification fiscale. Il a dit qu'il a utilisé un numéro d'identification fiscale d'une autre personne qu'il n'a pas voulu révéler. Il a ajouté que c'est un coup monté contre lui, même s'il n'a pas expliqué au siège l'auteur et la cause de ce prétendu montage. Après délibération, une peine de servitude pénale principale de 7 ans et une amende de 100 000 francs bourg ont été prononcées par ce tribunal de grande instance de Mwaro contre cet infirmier pour vol avec circonstances aggravantes et usurpation de fonctions. Aussi, il devra payer une somme de 4 millions de francs bourg comme dommages et intérêts au centre de santé de Yanza, sinon il devra subir une peine subsidiaire de 240 mois de contrainte par corps. De moi, Laurent Dicourillo, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les discours contradictoires se basent sur des langages différents par rapport à un problème donné. L'expert en résolution pacifique des conflits, Tadé Kabura, indique que de tels messages provoquent des crises au sein de la société s'ils proviennent des autorités. Ceci est confirmé par la population de la colline Renga, en zone et commune Kiganda, qui trouve que si les avis de leurs leaders ne sont pas convaincants, les conséquences affectent d'une façon ou d'une autre la cohésion sociale. Francine Diokougaï. Des opinions ou des réponses contradictoires par rapport à un problème. Tadé Kabura, expert en résolution pacifique des conflits, donne quelques éclaircissements sur le discours contradictoire, notamment en cas de manque de consensus des leaders. Pour lui, cela ne rassure pas. Par rapport à la pénurie du carburant au Burundi, nous avons entendu différentes autorités qui s'expriment là-dessus. Des réponses divergentes, des opinions divergentes par rapport au problème de pénurie du carburant. La contradiction dans le langage alors s'entend, ces positions différentes, ces opinions divergentes ou des réponses, des propositions de réponses divergentes par rapport à un problème donné. D'après moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les autorités ne prennent pas du temps pour mûrir la question, et de cette façon, ils divergent dans leurs propositions. La deuxième raison, c'est que les autorités émettent des avis personnels. Au lieu d'émettre des avis ou des propositions en tant qu'autorité, sans tenir compte de la position qu'ils occupent. La population de la colline Renga, en commune Kiganda de la province de Muramvya, s'exprimant à ce sujet, dit que ces discours contradictoires déroutent et amène quelquefois à des affrontements. Prenons l'exemple de deux leaders à la tête d'un groupe constitué d'une vingtaine de personnes, voire d'une trentaine. S'ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde, ce groupe finit par se dissoudre. De même, le développement régresse. En outre, il n'y a plus de débat d'idées s'il y en avait. Quand les leaders ne s'entendent pas, cela engendre une crise au sein des membres du groupe. Cela crée de la méfiance entre les membres du groupe. Ces membres sont ainsi dispersés. Si la mésentente règne entre les leaders d'un groupe, la crise s'ensuit, car les camps se forment et se propagent dans les associations et les familles des membres s'ils sont réunis en association. Le secrétaire permanent de la commune Kiganda, Fiacre Sinumvayaha, rassure qu'au niveau de l'administration, une réunion mensuelle est tenue pour justement prévenir les écarts de langage qui peuvent nuire à la bonne cohabitation de la population. Une fois le mois, nous organisons une rencontre avec les responsables des différents groupes. Les partis politiques, les confessions religieuses, œuvrant dans notre commune de Kiganda. Nous débattons sur tout ce qui pourrait perturber la cohésion sociale sur base des enseignements reçus. On cherche à avoir une vision commune sur tout ce qui pourrait contribuer au développement de la population. L'expert en résolution pacifique des conflits, Tadé Kabura, conseille aux autorités et leaders de prendre le temps de réfléchir ensemble sur un problème donné avant de réagir publiquement pour ainsi communiquer une solution commune. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à le réaliser. Passez de bons moments à l'écoute de nos programmes. Jean Bosco, Douimane.